1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Salut, salut, salut, comme tous les dimanches soirs, 21h, Lost in Space, sur Radioactive, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales, bruyantes, diverses et parfois variées, attaque immédiatement avec Infra Riot, groupe de la seconde vague punk UK du tout début des années 80. Allez, c'est parti. We'll be right back. À l'instar des autres scientifiques, la plupart des climatologues sont du genre flegmatique, explique Lonnie G. Thompson, professeur à l'Université d'État de l'Ohio et spécialiste de renommée mondiale de la fonte des glaciers. Nous ne sommes guère portés sur l'envolée lyrico-apocalyptique. En général, nous sommes beaucoup plus à l'aise à travailler dans nos laboratoires ou à recueillir des données sur le terrain, qu'à donner des interviews à des journalistes ou à témoigner devant des commissions parlementaires. Dès lors, pourquoi des climatologues parlent-ils haut et fort des dangers du réchauffement planétaire ? La réponse, c'est que nous sommes aujourd'hui pratiquement tous convaincus que ce réchauffement représente un danger réel et immédiat pour la civilisation. Come down to the little garden with me. Come go with me. Come go and see. Though I howl across fields and my eyes turn gray, are you still the same? Are you still the same? Carry home, I have returned. Through so many highways and so many tears, you let it never survive the heat of my hand, my burning hand, my sweaty hand. Your love never survived the heat of my heart, my violent heart in the dark. I have returned through so many highways and so many tears. Come go and see. I know I've howled across fields and my eyes turn gray. Are you still the same? Are you still the same? So carry on. I have returned through so many highways and so many tears. Yeah. Difficile d'être plus clair. Et pourtant, au lieu de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour infléchir la tendance, nous continuons délibérément, du moins pour une large part, dans la même voie. Et à l'image des passagers du vol 3935, avec le concours d'un moteur plus puissant et plus polluant. Alors, c'est quoi notre problème ? Yeah.

nous n'acceptons si facilement le réel que parce que nous pressentons que la réalité n'existe pas. Jorge Luis Borges. Just the right places. It's got a few blues in us, and it takes a little pause just before I sing the air bud. Please play this song on the radio. Almost every line is sung in time, and almost every verse ends in a rim. Only problem we had was writing enough words. That's okay, cause the quarantine's coming up again now. We play this song on the radio. We play this song on the radio. Please play this song on the radio. Please play this song on the radio. Please play this song on the radio. Please play this song on the radio. Please play this song on the radio. Please play this song on the radio. Right about this time, some shithead will be drawing a fat fucking line over the title on the back sleeve. What an asshole! So, Mr. DJ, I hope you already made your segue, or the FCC's gonna take a shit right on your head. You can't play this song on the radio. You can't play this song on the radio. Where's my telephone? Is that you, baby? Yeah. I got something to tell you. What? I wanna see you tonight. I want you to walk in the door. I want you to lay on the floor. Cause tonight's the night we make love under a soul fire. Kiss your hair. I feel electricity in the air. I'm gonna kiss your eye. them to kiss your neck. Them to kiss your tummy. Ooh. Them to kiss your pineapple. Tonight's the night for love under the lights. La nuit dernière, j'ai rêvé de la réalité. Quel soulagement quand je me suis réveillé. Stanislas Lec. Watch all the older fellas work down the block. That's right, when they used to work, I used to watch. And when I watched, I loved. the lover call, baby. If you wanna do it right. Up and down, side to side. Baby, we can do it for a night. Don't hold me back. Now you gotta look sharp, fellas. You gotta act right. You see, no woman in her right mind's gonna waste her time if you ain't on time. Let's not talk about how I know that. I'm just here to pass down what I know to you. You see, when I was growing up, I got the inside scoop. I used to watch all the older fellas work down the block. That's right, when they used to work, I used to watch. And when I watched, I learned the lover call, baby. If you wanna do it right. Side to side. Baby, we can do it for a night. Don't hold me back. Hold me back. Woo! Yeah. That's right, I love it when I love a call, baby. Do you like the love a call? I love the love a call. Yeah. all the people you spent. I guess they call you a friend. You're doomed for a ride to the very end. What a waste! What a waste! What a waste of life! What a waste! So in the end you didn't have no friends, cause they sat and watched you die. A lot of bridges burned, but no lessons learned. But Bunny, I've reason to cry. So naive, but it's hard to believe. A pretty good man's life so cheap. It's worth nothing today, cause you threw it away. Self-indulgence is doing your duty. In a hole out of nothing, you got it from wind. Leaving behind all the people you spent. I guess they call you a friend. You just doomed for a ride to the very end. What a way! What a way! What a waste of life! What a waste! No communication, complete separation. No talk, no chance to help. I am guilty! I failed you! As a resolution of care! Let's shut my mouth! Because I was scared! I hid my feelings! J'appelle réalité intégrale la perpétration sur le monde d'un projet opérationnel sans limite. Que tout devienne réel, que tout devienne visible et transparent, que tout soit libéré, que tout s'accomplisse et que tout ait un sens. Or, le propre du sens est que tout n'en a pas. Qu'il n'y ait plus rien dont il n'y ait rien à dire. I could be alone and for a break, have you? Yeah. L'évanouissement de Dieu nous a laissé face à la réalité et à la perspective idéale de transformer ce monde réel. Et nous nous sommes trouvés confrontés à l'entreprise de réaliser le monde, de faire qu'il devienne techniquement intégralement réel. Or, le monde, même délivré de toute illusion, ne se prête pas du tout à la réalité. Plus nous avançons dans cette entreprise, plus elle devient ambiguë, plus elle se perd de vue elle-même. À peine la réalité a-t-elle le temps d'exister qu'elle est déjà en train de disparaître. in love, cause she's the only girl that I'm ever thinking of. Sex tapes are massacre, they take my baby away from it. But she'll never get that, she'll never get that. Sex tapes are massacre, they take my baby away from it. But she'll never get that, they drop the up and I don't care, I don't care. Oh, oh, oh. Sex tapes are massacre. Sex tapes are massacre. Oh no. Oh yeah. Oh no. Car Arthur Dupont avait de jolies oreilles. C'était d'ailleurs ce qu'on peut appeler un joli valseur, qui ne déparait ni le monde où l'on s'amuse, ni le monde où l'on s'ennuie. Profil à peu près correct, front lumineux, yeux vifs, bouche spirituelle. Et sa valseuse était sévère. On peut bien s'appeler Arthur Dupont sans encourir les foudres de la mode. We'll be right back. Amour, nom masculin singulier qui s'accommode aisément du pluriel et se conjugue sans peine au féminin dans le style suranné des cruels amours. Hey! cause de la tête aux pieds. Et quand il est son appareil, tu t'embrouilles sans état d'âme. T'es un voyou, t'es un cramé. Ouais, t'es le fils de ta tutelle. J'espère oublier cette journée. J'tape la manche pour une renée. T'arrêtes ton cuir, c'est un fierté. Et toi qui n'es pas prêt de raser. Tu viens poser ta bonne oreiller. T'es pas un lâche, t'es pas un héros. Ouais, t'es juste un mauvais garçon. Schwer auf Schirm, wer die Haare. Ausschuss ist der Wunsch, schon der Wunsch. Und schwer auf Schirm, wer die Haare. Peu de mots comme amour sont porteurs d'autant d'espérance. Il hante l'imaginaire des petites filles, il porte les espoirs naissants des garçons malhabiles, il préside à la passion, il déchire les poitrines, il anime le corps des amants et assiste à leur séparation. Il emplit le cœur de bonheur, d'ivresse, d'extase et de plaisir. Oh. Faire l'amour, voilà une belle action. L'amour est un fer, une besogne, un commerce, une joute, une épopée. Souligne Pierre Guiraud pour dire combien aimer est toujours transitif et combien il s'accommode mal de la passivité. L'amour est un labeur, un travail de longue haleine. Depuis l'aube des temps, l'homme et la femme travaillent la vigne du Seigneur et y dépensent toute leur énergie. Ils remuent, ils culettent et ils bourriquent, ils chevauchent, ils frottent leur cuir, ils s'envoient en l'air dans cette folle aventure du grand écart, de la bête à deux dos ou de l'accord parfait. Oh, Tout est bon, draguer, aimer, baiser, ne vous contentez jamais de peu. N'ayez aucun complexe, l'homme et la femme sont nés pour aimer, pour se toucher, pour jouir de leur corps. L'amour ne s'accommode pas de grands discours, il se fait, un point c'est tout. Et n'écoutez pas les censeurs, les rabat-joies défroqués de tout poil, qui prétendent que l'amour est un péché. Si tel était le cas, ce serait le plus grand de tous les péchés, péché suprême, péché sublime, doux péché, péché d'amour, celui dont parla en ces mots un évêque obsolète. Le péché de chair est le plus abominable de tous les péchés, et le crime est si bien le plus grand de tous les crimes qu'il faut être deux pour le commettre. We'll be right back. please. And if you don't catch my disease, I will cry all night and simply run away. I don't care what you think when I clean your kitchen sink. I could tell you why, but it would take all day. You sent a letter, but your answer's in the post. You sent your letter to the king. Is the latest trend. I don't know how to ride it. That's why I hold it in my head. I bought myself a skateboard. Cause it's the latest trend. I don't know how to ride it. That's why I hold it in my head. Instead I bought a yo-yo. I guess I am a bozo for dread. Some dreadlocks, cause it's the latest threat. I don't know what it stands for. I stole my name from an old man. Départ 6h58, première voiture, première réussite. Ils sont d'accord pour nous avancer jusqu'à l'échangeur de Vorep. Installés, je leur dévoile enfin notre réelle destination. Je sens alors comme un froid chez notre chauffeur et sa fille. Nul besoin de me faire un dessin, je comprends que c'est aussi la leur. Cette gêne émane bien évidemment du fait qu'ils ne comptaient guère nous emmener si loin. Sans évoquer à aucun moment cette éventualité taboue, je marchande d'une rallonge de 100 km pour qu'il nous dépose au péage de Villefranche, situé à 30 km au nord-est de Lyon. En effet, ce lieu constitue une rampe de lancement formidable pour atteindre l'Île-de-France. Passage obligé pour les Marseillais, Niçois, autres languedociens et Savoyards. Preuve à l'appui, pas plus d'une, oui, une minute, et nous voilà repartis avec un commercial qui se dirige aussi vers la capitale. À une allure convenable, 170 km/h, on se paye même le luxe de doubler nos acolytes précédents. We'll be right back. tous sont tombés sur le sol stérilisé. Les barbons brûlés, les poings restent serrés, mais ils sont retombés. Et ils servent à cacher nos larmes consolées. On faillit ne parle pas de notre parti. J'ai la mémoire du passé. Nos prêts sont pas affrontés. J'avance vers le futur. Car le futur est à nous. J'avance vers le futur. Toi, nouvelle lèvre rouge et noire.